B.O. Arcis, JDZ, Ad Vitam Eternam. J'crois qu'on s'arrache les vœux, j'suis dur à prise, il ridicule. Le pétard, ça mon véhicule, fonce des textes, une réside plus. J'm'enrichis de la zig, j'm'en bats de Copacabana. Pendant que le Kotaka m'accroît, certains finissent dans des asiles. Mais Cupidon, j'pense que j'crois plus en Grinaro. Les stupides on fendent nos têtes quand on s'euphorise pas trop. Dur d'avoir la langue pendue quand on est baïonné. Si tu jactes trop, c'est tendu, vas-y, demande à Dieu donner. La vie, c'est pas la fête, les gros, on est juste passionné. J'crois qu'avec un rail de coke, c'est ta vie qui te passe sous le nez. J'suis du liquide, mais j'sors pas sur des rouleaux billets. Plus du genre à roupiller, tout oublié comme Kill Bill. On se dilapide et on se voit un jour ou l'autre prier. Pour pas qu'on soit tous pillés, certains pratiquent le deal tweed. Par ici, y'a pas d'héros, car qui s'y frotte, s'y pique. Certains voudraient remonter la pente comme tous ces top cyclistes. On vit la nuit comme des zombies, ad vitam aeternam. Ça fait longtemps qu'on voit plus jour comme les enfants de la lune. On jongle avec les soucis sans la piste à Dédenman. C'est chaud ma gueule de réussir avec d'étonnantes lacunes. On vit la nuit comme des zombies, ad vitam aeternam. Ça fait longtemps qu'on voit plus jour comme les enfants de la lune. On jongle avec les soucis sans la piste à Dédenman. C'est chaud ma gueule de réussir avec d'étonnantes lacunes. Dans un sable mouvant, je cours comme David Hasselhoff. Mais j'avoue, je m'essouffle, c'est ouf, on fume de la weed assez forte. Plus rien m'attire, donc j'tise, j'vomis gros guide dans mon lit. J'm'applique à dire du vrai quand les tomis s'étouffent dans vos lits. On nous force la main quand Shetan passe la bague au doigt. Tu passes la bague aux douanes, ça veut te serrer tout ça pour un joint. Tu dépassé comme au cœur, on subit assez de douleurs. Avec la vie, j'ai les boules, ça saoule comme sur un tapis de snooker. Les feux de l'amour se sont fait souffler la vedette. J'aurais jamais ma part du gâteau vu qu'on m'a soustrait la recette. On efface pas les erreurs avec la gomme d'acacia. Faut pas prétendre avoir des couilles si t'as la voix d'un castrat. C'est Alcatraz dans mon beau cerf et ça pas liberté. C'est pas quatre faces dans ton glossaire qui vont tous nous faire disserter. J'préfère taper ma sangle de bête au lieu de les disperser. Certains se dispersent pendant que tout le sang se perd. On vit la nuit comme des zombies, ad vitam aeternam. Ça fait longtemps qu'on voit plus jour comme les enfants de la lune. On jongle avec les soucis sans la piste à Dédenman. C'est chaud ma gueule de réussir avec d'étonnantes lacunes. On vit la nuit comme des zombies, ad vitam aeternam. Ça fait longtemps qu'on voit plus jour comme les enfants de la lune. On jongle avec les soucis sans la piste à Dédenman. C'est chaud ma gueule de réussir avec d'étonnantes lacunes. On sera jamais les hommes qu'on veut être. Y'a plus d'idéaux qui a dit ego face à nos peurs et nos mal-être. Cravaché, je m'y suis cantonné. On est perdu quand on est sûr qu'y'a que les ouinches qui ont tout cartonné. Pardonné, je suis pas sûr de pouvoir encore faire ça. Parolier sera jamais donné son boule pour délope ça. Je laisse aucune trace, pas de coca, même si je te tape dans l'œil. Je crois que je m'efface dans le deuil de mes rêves qui sont tous tricards. Ma clique est hard, ma trique est hard, l'avenir s'écaille. Quand on arrive, ton équipe se démonte plus vite qu'un meuble Ikea. Chacun sa life, pas besoin de dessin. Pourtant, je tire un trait sur tous les attraits d'un destin. Maintenant, je passe à l'acte. Dos au mur, on veut se retourner pour un face à face. La bonne étoile, une chaise musicale où tout le monde chasse ta place. J'kiffe le rafting depuis que je connais le poteau Sadmo. JDZ, ma team t'attire, 14 000 écoutes, ça gros. On vit la nuit comme des zombies, ad vitam aeternam. Ça fait longtemps qu'on voit plus jour comme les enfants de la lune. On jongle avec les soucis sans la piste à Dédenman. C'est chaud ma gueule de réussir avec d'étonnantes lacunes. On vit la nuit comme des zombies, ad vitam aeternam. Ça fait longtemps qu'on voit plus jour comme les enfants de la lune. On jongle avec les soucis sans la piste à Dédenman. C'est chaud ma gueule de réussir avec d'étonnantes lacunes. C'est quoi ton strat? Gros Par ici, y'a pas des rocas qui s'y prennent typiques. Certains voudraient qu'on oublie la pomme.